Ho ho ho! Angelo! Ho ho! Yeah? Eh? Ho ho! Angelo? Ouais, bébé! Ho ho ho! Putain les gars, je sors du supermarché, où n'y est? La caissière m'a souri en me donnant mon ticket, où n'y est? Elle m'a même dit... Merci monsieur, bonne journée. Sérieux les gars, je crois qu'il y a moyen que je me la fasse si je fais un game posé. La prochaine fois que je la vois, je vais l'emballer. Je commencerai avec la technique du bain et finirai par une blague sur Ruquier. Je suis déjà stressé à l'idée de parler à une fille. Pourtant je me suis entraîné à envoyer ma bite à des forumeuses toute la nuit. J'en peux plus, j'ai trop envie de baiser voilà, tremper mon biscuit. C'est mon Saint Graal. Mais après 10 minutes, le malaise du doute est toujours là. Alors dites-moi, les gars, si j'ai une chance de la pécho ou pas. Bite, bite, bite. Elle veut ta bite. Bite, bite, bite. Elle veut grosse bite. Bite, bite, bite. Elle veut ta bite. Bite, bite, bite. She wants the dick. Bite, bite, bite. Elle veut ta bite. Bite, bite, bite. Elle veut... Gross a bit. Bit, bit, bit. Elle veut ta bit. Bit, bit, bit. She wants the dick. Je vais suivre vos conseils et l'inviter à manger un kebab. Je suis prêt à baiser. Avec mon t-shirt Noël, j'ai trop de swag. Je me mets en route. Capop dans les oreilles pour me mettre en confiance. En chemin, je me fais voler mon goûter. Par une chance pour la France. Putain à la caisse, une vieille me passe devant. Je la bouscule, j'improvise et fais des pompes sur le tapis roulant. Ça y est, la caissière me regarde avec ses yeux couleur amande. J'en profite, je lui envoie des signes que même Folaillon pourrait comprendre. Elle me dit que je pue, pourtant ma dernière douche date de décembre. Encore une fois voilà, je repars la queue entre les jambes. Rentrer chez moi, je m'en vais pleurer dans ma chambre. Puis je fais un topic sur le 18-25. Les filles voilà toutes des salopes sauf maman. Bite, bite, bite. Elle veut ta bite. Bite, bite, bite. Elle veut grosse bite. Bite, bite, bite. Bite, bite, bite. Ho ho ho!